Cette histoire a été diffusée en septembre 2018. Le fabricant de doudou. Boris est un catcheur légendaire. Du haut de ses 2,30 m, il domine le monde. Ses mains sont si grandes que vous pourriez vous asseoir dessus. Sa force est si colossale qu'il peut soulever un bulldozer sans effort. Et son regard est si profond qu'il donne l'impression de tout passer au rayon X, les courgettes comme les gens. Quand il arrive sur un ring, il peut surgir suspendu à un câble déguisé en licorne, sauter en parachute d'un hélicoptère équipé d'une armure de chevalier, ou bien encore débouler en trottinette électrique habillé d'un costume de T-Rex. Les petits comme les grands l'adorent. Tous ses adversaires le respectent autant qu'ils le craignent, et pour cause, Boris n'a jamais perdu un seul match depuis plus de 15 ans. La recette de son succès? L'entraînement, bien sûr. Tous les jours, sans relâche. Enfin, c'est ce qu'il dit. Car en vérité, Boris a un secret. Du genre, vraiment secret. Lorsque tout le monde ronflote, le catcheur chausse de petites lunettes et détache le pendentif qu'il porte autour du cou. Ce n'est pas un bijou, mais une petite merveille de technologie qui abrite son jardin secret. Quand il le lance à terre, une vieille table en bois apparaît dans un nuage de fumée rose avec un petit pfouf. Elle est recouverte d'un énorme bric-à-brac. Morceaux de tissu, de mousse, de coton et tout un tas de boutons et de rubans. Boris passe une ceinture sur laquelle est alignée une multitude de bobines de fil et il arme son poignet gauche d'un bracelet recouvert d'épingles à tête multicolore. Alors, avec la plus grande délicatesse, la langue légèrement tirée, il commence à façonner un doudou. Depuis 15 ans qu'il s'exerce, Boris en a créé plusieurs milliers. Alors quand sa table déborde, il rassemble ses créations et les envoie à un orphelinat au hasard. C'est de cette passion que Boris tire sa puissance. Toute la douceur qu'il crée le rend plus fort. S'il aime se retrouver seul pour coudre, Boris prend aussi un plaisir fou à rencontrer ses fans. Un jour, à la fin d'un de ses entraînements, le jeune Mélade, 11 ans, arrive. Il est accompagné de son père, en retrait, près de la porte d'entrée, les bras croisés et les sourcils froncés, ses yeux noirs perdus dans le vague. Mais là, lui, se plante un instant devant le colosse, les yeux brillants, la bouche ouverte, les bras ballants. Puis, il se transforme en mini-tornade pour commenter tout ce qu'il voit. « Oh mon Dieu, mais c'est votre ring d'entraînement ? Et ça, c'est votre corde à sauter ? Oh ça, oh là là, des poids ultra lourds pour avoir plus de force ! Mais vous en avez vraiment besoin ? Et ça, votre serviette ? Pouah, elle est toute mouillée. Oh, une glacière! Il y a votre goûter dedans! » Dans son enthousiasme, Mélade fait tomber le sac de sport de Boris. Son contenu se répand sur le sol. Le visage du père de Mélade se crispe. Ouah, c'est quoi ça? C'est trop bizarre! S'exclame Mélade en prenant une petite balle noire, affublée de deux boutons verts, d'un petit tube rose en tissu mou et d'un fil blanc cousu en zigzag. Ça, c'est Jboul, mon doudou porte-bonheur. Mais ça doit rester un secret, promis. Le jeune garçon acquiesce avec un sourire si large qu'il relie ses deux oreilles. « Les héros des enfants ont des doudous !» lâche son père. « Vous n'en avez jamais eu ?» demande Boris en rangeant ses affaires. « Non, pas depuis que j'ai décidé d'être adulte !»« D'accord !» répond le catcheur peu convaincu. « Mais dites-moi !» Discrètement, il saisit un calepin et un crayon dans son sac. « Vous vous souvenez de votre doudou ?»« Évidemment, qu'est-ce que vous croyez ? Il s'appelait Smurf. C'était... un petit lapin blanc rapiécé avec plein de carrés de tissu. Il avait aussi de grandes oreilles toutes douces. Il s'arrête gêné. Boris le regarde avec des yeux rieurs. Il ressemblait à ça ? La feuille qu'il lui tend avec l'esquisse de Smurf paraît ridiculement petite entre ses énormes doigts. Oui, bredouille le père. Vous savez quoi ? Revenez demain, un peu plus tôt. Comme ça, Mélade pourra assister à l'entraînement complet. Le jeune garçon bondit de joie. Son père soupire. Le lendemain, Boris n'est pas seul. Son plus grand rival, mais aussi son meilleur ami, Triple F, lui fait face. Plus petit que Boris et un peu moins fort, il peut tout de même soulever une vache d'une seule main. Mais surtout, Triple F est rapide comme l'éclair et agile comme un chat, alors que Boris est aussi vif qu'un hippopotame. Waouh ! Papa ! Il y a Triple F avec Monsieur Boris ! Trop bien ! Le père de Mélade reprend sa place, près de la porte, les bras croisés, le regard toujours aussi sombre. Boris s'approche pour lui donner un petit paquet. « Qu'est-ce que c'est ?» demande-t-il grognon. « Vous le saurez en l'ouvrant !» lui répond Boris en étouffant un petit rire. Quand il découvre le contenu, le papa de Mélade reste sans voix. C'est Smurf, son doudou. Son visage se détend et s'éclaire. Il rejoint son fils, assis sur un banc près du ring. Il s'assoit et demande une voix qu'il voudrait douce. « Tu peux m'expliquer ce qu'ils font ? Que j'essaie de comprendre ?» L'entraînement se termine. Mélade fait un gros câlin aux deux catcheurs. Son père reste à distance, mais ses sourcils sont moins froncés. Il paraît même content. Une fois seul, Triple F interpelle Boris. « Comment dire ? J'ai vu ce que tu as donné au père de Mélade. Tu parles du doudou ? Oui, c'est ça, le doudou. Pourquoi tu me dis ça ? » Triple F se dandine, silencieux. Son regard évite celui de son ami, puis il se lance. « Tu penses que tu pourrais me refaire fantôme ?»« Fantôme ? Ton doudou ?»« Ouais. J'avais peur qu'on se moque de moi quand je suis rentré en sixième. Alors je l'ai mis en dessous de mon lit, mais je ne l'ai jamais retrouvé après. »« Tu pourrais me le décrire ?» demande-t-il en attrapant son carnet et son crayon. « Bon alors, c'était juste un bout de tissu à petits carreaux blancs et bleus. Il avait une tête ronde, bourrée de coton, avec deux petits boutons pour les yeux, un noir et un jaune. La bouche, c'était juste un trait au crayon. C'était ma maman qui me l'avait fait. « Comme ça ?» demande Boris. « Exactement comme ça !» souffle Triple F. Le lendemain, Boris revient au club avec Fantôme. Triple F le serre très fort contre lui, écrasant une larme de sa grosse main. Deux jours plus tard, c'est la maman de Mélade qui se présente. Trois jours après, c'est au tour de Magic T, un ami catcheur. Puis d'autres gens, amis, fans, inconnus, tellement de monde qu'il faut presque un an pour avoir son doudou. Devant son succès et l'affluence des demandes, Boris décida de mettre un terme à sa carrière de catcheur. Après avoir combattu pour amuser les petits et les grands, il se mit à coudre à plein temps. Et avec ses doudous, c'est toute la légèreté de l'enfance qui refaisait surface et mettait un sourire dans le cœur des grandes personnes. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genève et racontée par Arnaud Guillot. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine !